L'éventail de dentelle par Paul Bourget. Chapitre 1er. J'étais entré à l'hôtel Drouot cet après-midi-là, croyant assister à la vente d'une bibliothèque où figurait un volume que je cherchais depuis longtemps. Un bien modeste volume, et qui n'a rien de commun avec les Aldes et les Elzéviers des grandes collections. Il s'agissait simplement du La Fontaine en un seul tome, imprimé par Ignoux en 1826 et qui porte, sur le verso de sa feuille de garde, cette inscription H. Balzac, éditeur propriétaire, rue des Marais Saint-Germain, numéro 17. Le premier livre publié par le romancier quand il imagina de s'établir. Je m'étais trompé de jour, mais il était dit que ma dévotion pour le grand Honoré serait récompensée d'une manière où mon ami M. de Lovenjoul, le Ferragus des Balzaciens, n'eût pas hésité à reconnaître une mystérieuse influence du maître. Comment expliquer sans cela que, venu dans ce rendez-vous de toutes les épaves pour y chercher une relique de l'ordre le plus humble, j'y ai recueilli une de ces anecdotes comme Balzac les aimait, où il y a du parisianisme et de la pitié, de la fantaisie et de l'humanité, un peu aussi de ce doux génie féminin dont l'auteur d'Honorine eut l'adoration. Il n'y manqua même pas ce point d'ironie que la vie s'amuse à mettre en marge de tous nos délicats souvenirs. Mais voici l'histoire. Ayant constaté l'erreur de date qui rendait ma course inutile, je cherchais à gagner l'escalier. Arrêté un instant par la foule qui se pressait contre la porte d'une des salles, j'eus la curiosité de demander à un gardien quel vent attirait ce concours de peuple. « Celle de Madame Manon Lescaut, » me répondit cet homme. Je me souvins en effet d'avoir vu annoncer dans les journaux la mort de la fille galante qui avait osé prendre cet étonnant pseudonyme. Ne l'ayant connue que de nom, je n'avais aucun motif de pénétrer dans cette salle où sa défroque était mise à l'encan. Un machinal instinct d'imitation me fit pourtant me mêler au badaud en train de s'étouffer là, et quelques minutes plus tard, je me trouvais poussé par le remous dans un coin d'où je pouvais voir distinctement et les lots à vendre et les acheteurs. Qui ne connaît cette sorte de spectacle? C'est toujours le même étalage de robes tapageuses et de lingerie équivoque, de meubles criards, d'objets d'art douteux, de bijoux de réclame, et autour de ces débris d'un luxe à la fois triomphant et méprisé, quelques commentaires et quel public. D'ignobles marchandes à la toilette, des demi-mondaines envieuses et gouailleuses, des brocanteurs avides, des rastaquaires fatigués. Aussi demeurai-je étonné jusqu'à la stupéfaction de reconnaître, au premier rang de cette cohue, une des femmes les plus distinguées, les plus gratins, diraient les malveillants, de ce Paris qui compte encore quelques dames dignes de ce nom, grâce à Dieu. La comtesse de Maigret-Fajac. Que Madame de Maigret fût entrée dans cette pièce, sachant quelle dépouille on y vendait, c'était déjà bien extraordinaire. Mais qu'elle suivît la mise à la criée de ces élégantes infâmes avec un intérêt non dissimulé, c'était à n'y pas croire, pour ceux qui connaissent son caractère et sa susceptibilité de sensitive. Tout son être en porte la trace. La finesse de sa physionomie délicate et comme consumée, sa silhouette mince, ses gestes menus, la gracilité de ses mains et de ses pieds. Depuis 10 ans, tantôt qu'elle m'a fait l'honneur de m'admettre dans son intimité, j'ai raconté d'ailleurs à la suite de quelle rencontre, j'ai toujours trouvé chez elle tant de réserve dans les manières, un tel frémissement, presque morbide, devant le moindre mot trop vif, une surveillance si stricte de tous ses gestes, de tous ses discours. Oui, qu'elle fût assise sur une chaise tout contre la barre à suivre les allées venues du marteau dispersant les trésors frelatés d'une impure célèbre, c'était prodigieux. Plus encore qu'elle disputa elle-même et à quel concurrent un des objets ayant appartenu à cette fille. C'est pourtant ce qu'elle fit, à un certain moment, devant moi qui la regardais et l'écoutais avec hébétement. Le commissaire-priseur avait mis aux enchères un petit éventail ancien monté sur ivoire et garni de points d'Alençon. « 50 francs, avait-il glapi. « Y a-t-il acheteur pour 50 francs ?»« 60 francs, avait répondu une voix presque imperceptible, celle d'Alice de Maigret-Fajac. L'excentricité de l'action qu'elle osait commettre lui secoua le cœur au point de lui ravir presque le souffle. « 70 !» avait répliqué une voix d'homme que je crus, chose singulière, reconnaître aussi, mais sans l'identifier. Je cherchais à distinguer le visage de celui qui disputait à la fine comtesse ce qu'elle y fichait, déshonoré par sa provenance. Un mur d'épaules et de tête m'empêcha d'apercevoir le compétiteur, dont Madame de Maigret-Fajac avait déjà dépassé l'offre. 100 francs, avait-elle dit, du ton de quelqu'un qui accroît subitement l'enchère pour en finir. 120, avait riposté la voix, et la lutte avait continué entre ces deux fantaisies. 200 francs, 250, jusqu'à ce que la comtesse à l'issue laissait tomber, d'un accent devenu plus ferme à mesure, le chiffre de 1000 francs, énorme pour un bibelot de cette insignifiance. Cette fois, la surenchère n'a pas lieu. Le marteau du commissaire retombe, adjugeant l'éventail de la courtisane à la grande dame. Le temps de remettre à qui de droit un billet bleu et de glisser l'éventail dans son manchon, déjà l'acheteuse s'était levée. Comme si elle ne fût venue que pour cette emplette, elle se coulait à travers la foule vers la porte où je la rejoignis. Elle ne m'avait pas vue, et peut-être avait-elle ses raisons pour préférer que son étrange achat n'eût pas été remarqué. Le désir de tirer au clair une énigme dont je n'entrevoyais même pas le mot, l'emporta en moi sur le scrupule, et je l'abordai à la seconde même où elle s'engageait dans l'escalier. « Il faut que je vous avoue que vous venez de bien m'étonner, » lui dis-je après les deux ou trois phrases obligatoires de politesse banale. « Ah, » répondit-elle, « vous étiez là. » Une rougeur passa sur ses joues pâles. Nous descendîmes plusieurs marches en silence, moi, très honteux de mon indiscrétion, elle, visiblement hésitante. Puis, redressant sa petite tête d'un gracieux mouvement un peu altier qu'elle a quelquefois, elle m'interrogea. « Et pouvez-vous me dire si vous avez trouvé une explication à ce que vous m'avez vu faire et laquelle ?»« Vous connaissant, » répliquai-je, « et s'il s'agissait d'une autre vente que celle d'une Manon Lescaut, je parierais pour une charité. »« On ne peut pas tomber moins juste, » interrompit-elle avec un joli rire. Certaines femmes, comme elle, très malheureuses et demeurées très honnêtes, ont de ces passages de gaieté enfantine qui décèlent tant de jeunesse d'âme derrière leur habituelle mélancolie. Ce ne fut qu'un éclair, et, redevenue songeuse, elle montra l'étroite boîte de satin fané qui contenait l'éventail, et elle reprit. « Vous parlez de charité. » « Eh bien, ce que ce bibelot me représente, c'est justement une charité que je n'ai pas faite. J'ai tenu à la voir à cause de cela. » Elle se tut de nouveau. L'énigme était un peu plus obscure. Ces quatre derniers petits mots avaient cependant leur sens. Cette charmante et fine comtesse est de celles qui gardent à travers les frivolités du monde les ardentes ferveurs d'une piété bien voisine d'être mystique. C'est ce que j'appelle le cilice porté sous la soie. Je n'en doutais pas. Le souvenir suscité par cet éventail lui était douloureux. Elle tenait à se le rendre plus présent, plus réel, pour se meurtrir la conscience à un remords. Quel remords ! Aurais-je osé insister pour le savoir ? Elle m'épargna cette nouvelle et pire indélicatesse. Nous étions au bas de l'escalier, elle me dit « Où allez-vous » Et sur ma réponse « Je vais vous jeter là en passant, j'ai mon automobile, et je vous raconterai tout. » Ajouta-t-elle avec sa douce ironie. « Pas pour vous donner un sujet de roman, comme les correspondantes inconnues des écrivains. » Et grave, de réchef, après cette mutine et innocente taquinerie, mais parce que cette aventure est une leçon. Elle peut vous servir, comme elle m'a servi et me servira.